إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 17 dans l'explication de la manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani rahimahullah avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, et on sait que cette manzouma s'intitule Al-Ha'iyya. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui parmi les vers de cette manzouma, c'est yani Takfir, al-takfir bil ma'siya. C'est-à-dire, on va expliquer yani un point qui a rapport avec justement le fait que Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et les Salaf al-Salih, ils ne déclarent pas kafir le musulman qui a commis un péché. C'est-à-dire que pour les gens de Ahlus Sunnah, celui qui a commis un péché parmi les musulmans, il n'est pas déclaré comme étant un kafir. D'accord ? On ne le fait pas sortir de l'islam pour un péché qu'il a commis. Donc, dans la manzouma originale, c'est le vers numéro 26. Tandis que dans la version qu'on enseigne de Cheikh Al-Fawzan, avec l'ajout des sept vers, c'est le vers numéro 33. Donc, l'imam Ibn Abi داود السجستاني رحمه الله إلزي ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسفح. C'est-à-dire, ne déclare pas les gens de la salat, c'est-à-dire les gens qui établissent la salat, c'est-à-dire les musulmans, même s'ils désobéissent, parce que chacun d'entre eux commet des péchés, et le détenteur du trône, le détenteur du trône pardonne, c'est-à-dire celui qui détient le trône, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce principe-là qui fait partie des principes de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Il dit هذه مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك قد حصل فيها اختلاف طويل بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وما بين أهل السنة والجماعة فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويخلدون أصحابها في النار ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار ويستدلون بالآيات التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي. Donc le cheikh, il commence à expliquer en disant que cette question, c'est une question qui est reliée au takfir, au fait de déclarer kuffar les gens qui commettent des péchés qui sont moindres que le shirk. Et à ce sujet-là, il y a eu des longues divergences entre les khawarij et les mu'tazila, et entre les murji'a et les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Donc le cheikh, il commence par mentionner l'exemple des Khawarij, le cas des Khawarij. Il dit que les Khawarij, eux, ils déclarent mécréant, ils déclarent kafir toute personne qui a commis un grand péché qui est moindre que le shirk. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis des péchés qui sont moins graves que le shirk, comme par exemple le meurtre ou le vol ou le fait de manger du porc ou de boire de l'alcool, hein, des choses comme ça. Eux, si quelqu'un commet ces péchés-là, qui n'atteignent pas le niveau ou le degré du shirk, ils disent que c'est un kafir. Et non seulement ils disent que c'est un kafir, ils disent qu'il sera éternellement en enfer. Hein? Même si il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein? Donc ça c'est des extrémistes. Ça c'est des gens qui ont dépassé la limite, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ils disent qu'il sera éternellement en enfer, ils disent en plus que le sang de ces gens-là, il est halal. C'est-à-dire, ils croient que c'est permis de le tuer. Et non seulement ça, ils disent également que ses biens sont halal. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils les considèrent kuffar. Et ils prennent comme référence, pour justifier ça, pour justifier ce takfir qu'ils font, ils se basent sur des versets ou sur des hadiths qui mentionnent la menace de certains péchés ou de certaines désobéissances, et ils les prennent dans le sens que pour dire que la personne qui commet ces péchés-là est un mécréant. Donc s'ils trouvent un verset ou un hadith, par exemple, dans lequel il y a une menace pour un péché quelconque, comme par exemple un péché pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui fait ça, il va être en enfer, ou celui qui fait tel péché dans un hadith, si c'est mentionné celui qui fait tel péché, il va aller en enfer, eux ils le prennent pour comme si ça signifiait que il va être éternellement en enfer et qu'il est kafir. D'accord? Ils ne comprennent pas la réalité du sens de ces hadiths là. Donc le cheikh il dit wal mu'tazila yaqulun ليس بكافر ولا مؤمن بل هو في المنزلة بين المنزلتين والمرجئة على النقيض فالكبائر عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه فالعاصي صاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة. Donc le cheikh il explique par la suite la voie des Mu'tazila. Les Mu'tazila disent que celui qui commet un grand péché, ils disent qu'il n'est pas kafir, mais il n'est pas mu'min non plus. Il est dans un niveau entre les deux. Donc il est entre la mécréance et la foi. Ça c'est dans cette dunya. Puis dans l'au-delà, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, ils disent qu'il va être dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que les Murji'a, eux, ils disent que les Murji'a, eux, sont à l'autre extrême. Les Khawarij, ils font le takfir de ceux qui font des péchés moins graves que le shirk. Les Murji'a, eux, c'est le contraire. Si quelqu'un commet des grands péchés, ils disent que ça ne nuit pas à sa foi. Si quelqu'un commet des grands péchés, ils disent ça ne nuit pas à sa foi. Pour eux, ça ne fait pas diminuer ou baisser sa foi, le fait de faire des grands péchés. Donc, pour eux, la personne qui commet des péchés, des kaba'ir, comme par exemple, quelqu'un par exemple qui ferait le zina, ou qui boirait de l'alcool, ou qui mangerait du porc, hein, ou qui vole, ou qui ment, ou qui fait plein de péchés comme ça, pour eux, ça ne fait pas baisser sa foi. Sa foi reste toujours parfaite, toujours complète. Ça, c'est la aqida des murji'a. Hein? Ils disent, ces gens-là, ils disent le péché n'affecte pas la foi. De la même manière que les bonnes œuvres ne font rien pour la mécréance. C'est-à-dire, si quelqu'un est mécréant et qu'il fait des bonnes œuvres, ça ne va rien lui profiter. Donc, de la même manière, ils font un qiyas, une analogie, pour dire que celui qui a la foi, il n'y a rien qui peut la faire diminuer ou la faire baisser. Donc, pour eux, en réalité, comme les ulama ont expliqué, ils pensent que, par exemple, la foi des prophètes, la foi des anges, la foi des sahaba, la foi des hommes pieux, puis la foi des gens qui sont dans le péché et dans le haram, qui tuent, qui volent, qui mentent, qui font du zina, qui mangent du porc, qui font n'importe quel péché, pour eux, c'est le même degré. Il n'y a pas de divergence de foi, il n'y a pas de différence de niveau de foi entre les personnes. Tout le monde a un niveau égal Et pour eux, la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas dans un même individu. Elle est toujours constante et stable pour eux. Hein? Et ça, bien entendu, c'est en contradiction avec les textes de la révélation, bien entendu. Et ils se basent là, pour établir cette idée sur hein, des notions ou des idées, soit sur la définition linguistique de la foi, sans se référer aux textes du Coran et de la Sunna, ou bien sur la philosophie et des choses de ce genre. Donc, le cheikh il dit « هذا مذهب المرجئة على سبيل الاختصار لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا كامل الإيمان ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم لأن الإيمان عندهم في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هذا مذهب المرجئة وهو على النقيض من مذهب الخوارج فهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد. Donc le cheikh il dit que ça c'est la voie des murji'a, c'est la position des murji'a de manière résumée. Sinon, le cheikh il dit c'est parce que ils ne font pas entrer les actions dans la foi. Pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Les actions ne sont pas inclus dans la foi pour eux. Donc, si tu abandonnes ce qui est obligatoire et si tu fais ce qui est haram pour eux, ça fait pas partie, ça affecte pas la foi. Tu fais pas ce qui est wajib, tu fais ce qui est haram, tu fais les péchés grands ou petits qui sont moindres que le shirk, ils disent que ta foi elle est complète, elle est parfaite quand même, ça diminue pas ta foi, les péchés ne font pas diminuer ta foi, et le fait de faire des actes d'obéissance, ça ne fait pas augmenter ta foi non plus. Parce qu'ils disent que la foi, c'est uniquement dans le cœur. Ils disent la foi, c'est uniquement dans le cœur. Et des fois, vous allez rencontrer de ces gens-là parfois, quand tu leur dis, par exemple, fais la salat, hein, mon frère, tu devrais faire la salat, ou bien tu lui dis, ya akhi, tu devrais pas, boire de l'alcool, tu devrais t'écarter de ce qui est haram, des choses comme ça, tu devrais pas faire le riba ou des choses comme ça. Il dit ya akhi al iman fil qalb, mon frère, la foi c'est dans le cœur, Dieu sait qu'est-ce qui est dans mon cœur, hein. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui découle de la aqida des murji'a. Ils disent que la foi, c'est quelque chose qui est dans le cœur et que c'est une chose unique. Elle ne diminue pas et elle n'augmente pas. Donc c'est une chose unique, une chose, hein, un seul bloc, si on veut. La foi, c'est un bloc. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu peux pas, ça ne peut pas diminuer ou augmenter. C'est un seul bloc, un seul morceau complet. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça ne peut pas diminuer ou ça ne peut pas augmenter. Et ça, c'est la voie des murji'a, et ils sont à l'autre extrême des khawarij. Donc, ces deux extrêmes, en fait. Les murji'a et les khawarij, à la base, ils ont la même idée, en réalité. Mais ils ont pris deux extrêmes de chaque position. Par exemple, les khawarij, ils ont dit, la foi, c'est un seul bloc. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu fais un péché, tu la perds au complet. Les murji'a, eux, dans l'autre extrême, ils ont la même idée. Ils ont dit, la foi, c'est un seul bloc. Tant que tu l'as, peu importe qu'est-ce que tu fais, ça la fait pas disparaître. Elle reste tout le temps. Même si tu fais des péchés. Donc, c'est la même idée d'égarement à la base, sauf que chacun a pris un côté extrême de cette idée-là. Et les murji'a, il se base sur les versets qui mentionnent la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala du paradis et sur l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils abandonnent les versets qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment. Donc les khawarij, eux, ils se basent uniquement sur les versets qui parlent de la menace, al-wa'id. C'est pour ça qu'on appelle les Khawarij, on les appelle aussi Al-Wa'idiyya, parce qu'ils se basent uniquement sur les versets qui parlent de la menace de l'enfer, hein, et ils laissent les versets qui parlent de l'espoir et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Donc ça c'est un exemple aussi à ce sujet-là. Le Cheikh il dit: Amma ahlus sunnati wal jama'a fa innahum ala al-haqq wal i'tidal la yukaffiruna sahib al-kabira ولا يقولون إنه كامل الإيمان بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة فجمع أهل السنة والجماعة بين آيات الوعد وآيات الوعيد فلا يقولون كما تقوله المرجئة إن المعاصي لا تدر ولا يقولون إنها تكفر كما تقوله الخوارج وإنما يقولون إن المعاصي تدر وتنقص الإيمان ولكنها لا تخرج صاحبها من الدين فجمعوا بين النصوص هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. Donc le Cheikh maintenant, après avoir expliqué la position des Khawarij et la position des Murji'a, il explique maintenant la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des gens qui commettent des grands péchés. Et la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des gens qui commettent des grands péchés, c'est la position de vérité et c'est la position de la modération et de l'équilibre et de la justice. Ils ne déclarent pas celui qui commet des grands péchés comme étant kuffar. Ils ne disent pas que les musulmans qui commettent des grands péchés sont des kuffars. Mais en même temps, ils ne disent pas qu'il est complet dans sa foi ou que sa foi est complète et parfaite. Hein? Ils disent qu'il est croyant, mais que sa foi elle est faible. Ils disent qu'il est croyant, mais qu'il est pécheur, qu'il est fasiq. Donc, il est croyant par rapport à du fait qu'il a la foi, mais il est fasiq du fait qu'il commet ce grand péché. Et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il meurt sans se repentir. Si Allah veut, il va lui pardonner par sa miséricorde. Et s'il veut, il va le châtier selon sa justice. Comme il le mentionne dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe avec lui dans l'adoration, mais en dehors du shirk et du kufr, il pardonne, hein, tout ce qui est fait comme péché à qui il veut. En dehors du, en dessous du kufr et du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc, si tu meurs sans te repentir d'un grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décider. Il va choisir avec toi qu'est-ce qu'il fait. Soit il te pardonne, il te dit rentre au paradis, ou soit il te punit et il te dit rentre en enfer pour un certain temps. Mais même si tu rentres en enfer, tu ne vas pas rentrer éternellement en enfer puisque tu étais sur le tawhid. Donc, après un certain temps, il va te faire sortir de l'enfer pour te faire entrer au paradis, comme on l'a expliqué dans le cours ce matin, hein, après le Fajr. Et à propos de ça justement, c'est bien de mentionner l'exemple de certains versets qui parlent de ça dans le Coran, comme par exemple un verset qui dit dans Surat Al-Hijr: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ. Ça veut dire que ce jour-là, c'est-à-dire quand les gens seront dans l'enfer par rapport au péché, il y aura les mushrikoun et les kuffars qui vont être dans l'enfer, et avec eux, les musulmans qui ont commis des péchés dans l'enfer aussi, avec les mushrikoun et les kuffars. Donc, les mushrikoun et les kuffars vont voir les musulmans et ils vont se moquer d'eux. Hein? Ils vont dire, mais vous avez cru, vous avez fait la prière, vous avez fait... Hein? Parce qu'on sait que on reconnaît les gens de les musulmans dans l'enfer par leur marque de prosternation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Le feu de l'enfer ne peut pas manger ou ne peut pas brûler la marque de prosternation. Donc ça, c'est un des signes par lesquels on peut reconnaître les musulmans dans l'enfer. Donc les gens de l'enfer, les mouchriquins et les koufars, ils voient les musulmans, ils disent, vous, vous avez prié, vous avez cru, vous avez été des musulmans, et puis vous êtes avec nous en enfer, à quoi ça vous a servi d'être musulmans? Hein? Et là, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait sortir de l'enfer, puis il les amène au paradis. C'est-à-dire, il amène les musulmans qui avaient commis des péchés, hein, il les met dans l'enfer un certain temps pour les purifier de ces péchés-là, et il les fait sortir, il les met dans le paradis. Alors, à ce moment-là, les kuffars et les mouchrikouns commencent à avoir des remords, et ils disent, ah, si on avait accepté l'islam, si on avait été des musulmans, hein, là, ils souhaiteraient avoir été musulmans dans cette vie. Donc là, ils vont comprendre à quoi ça a servi aux musulmans d'avoir cru en l'islam. Même s'ils ont été en enfer quand même, au moins, ça leur a profité, hein, d'avoir cru en la ilaha illallah et d'avoir, hein, pratiqué leur religion. Donc, les musulmans qui suivent la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils prennent les deux catégories de versets. Les versets qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets qui parlent de la promesse de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils réunissent entre les deux. Ils ne prennent pas juste une partie des textes puis ils laissent l'autre partie de côté. Hein? Donc ça c'est très important, on a expliqué dans les cours précédents que l'égarement de la plupart des sectes, ils se sont déviés parce qu'ils se sont basés sur leur raison plutôt que sur la révélation et qu'ils ont pris une partie des textes puis ils ont laissé l'autre partie. Et à cause de ça, ils sont tombés dans des formes d'extrémisme et d'égarement. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et la fitna des Khawarij à notre époque, elle est très grande. Et la fitna des Murji'a, elle est très grande également, parce que ces deux groupes-là, on en retrouve plein parmi la Ummah. De plus en plus des jeunes qui tombent dans le takfir et dans la voie des Khawarij, et également, il y a plein de gens qui tombent également dans l'Irja à cause de la bid'a des Soufia et aussi à cause de la bid'a des Asha'ira. Parce que les Asha'ira, parmi leurs égarements, il y a l'égarement qu'ils ont au sujet de la foi. C'est-à-dire que pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Donc ils sont calculés parmi les Murji'a. On va en parler de toute façon parce que dans les sujets qui viennent, Inch'Allah, ça va être discuté. On va en discuter, Inch'Allah. Donc la voie d'Ahlus Sunnah, c'est de réunir entre les textes qui parlent de la menace et les textes de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attitude d'Ahlus Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est important de bien le comprendre. Si par exemple, quelqu'un lit un verset dans lequel il y a une menace par rapport à un péché, ou bien un hadith dans lequel il y a une menace par rapport à un péché, ça veut dire que la personne qui commet ce péché-là, elle mérite le châtiment de l'enfer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là va être en enfer parce qu'elle a commis ce péché-là. Puisqu'il peut y avoir des choses qui vont faire en sorte que cette personne-là soit pardonnée ou qu'elle soit excusée par rapport à d'autres choses. Hein, par rapport, premièrement, ça se peut qu'elle se repente, ça se peut qu'elle a fait d'autres bonnes actions qui vont effacer ce péché-là. Également, ça se peut que cette personne soit atteinte d'une maladie ou qu'elle ait un malheur et qu'elle endure, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface de ses péchés. Et donc, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent faire en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cet individu-là et lui fasse miséricorde. Donc, les ulama, ils disent que quand il y a un texte dans lequel il y a une menace, hein, ça ne veut pas dire nécessairement que cette personne-là, cette menace-là va s'appliquer à lui. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire miséricorde. Tandis que la promesse, hein, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. Allah ne manque pas à sa promesse. D'accord? Contrairement aux Mu'tazila, eux qui disent, s'il y a une menace, il faut que ça s'applique à la personne. Absolument. Hein? Et donc, ils ont exagéré dans la menace. Donc, le cheikh il dit donc, كَمَا تَقُولُ الْمُرْجِعِ إِنَّ الْمَعَاصِ لَا تَدُرُ. Donc, on ne dit pas comme les murji'a que les péchés n'ont pas d'effet sur la foi, que ça ne fait pas baisser la foi. وَلَا يَقُولُونَ إِنَّهَا تُكَفِّرُ. Et on ne dit pas non plus que les grands péchés te font devenir kafir, comme le disent les khawarij. Donc, on est entre les deux extrêmes. On dit uniquement que les péchés, qu'est-ce qu'on dit? Les musulmans qui sont sur la voie d'Ahl Sunnah, sur la voie des salafs, on dit que les péchés ont un effet sur la foi et qu'elles font diminuer la foi, mais en même temps, elles ne font pas sortir quelqu'un de l'islam. Et ça, ça réunit les textes à ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait sortir de la foi? C'est quoi? C'est si quelqu'un commet un acte de shirk majeur ou un acte de kufr majeur. Si quelqu'un a commis ça, là, il sort de la foi. En dehors de ça, tu ne peux pas dire que quelqu'un sort de la foi. Et les choses qui font sortir de la foi sont mentionnées dans les livres par les ulama qui ont réuni certaines des catégories des actions et des paroles ou des croyances qui peuvent faire sortir quelqu'un de l'islam. Dans les livres de fiqh, on en retrouve dans le chapitre qu'on appelle Ahkam Ahli Ridda, hein, les règles qui concernent les apostats. On trouve dans ces livres-là des énumérations de différentes croyances ou de différentes paroles ou de différentes actions qui peuvent faire sortir quelqu'un de l'islam, et également certains ulama ont réuni dans des livres et dans des écrits les paroles ou les actions ou les croyances qui peuvent faire sortir quelqu'un de l'islam, comme par exemple Nawaqid de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ce livre-là a été expliqué par divers ulama également. Donc, si quelqu'un veut savoir les détails de ce qui fait sortir de l'islam, ils peuvent se référer à ces écrits. Et le cheikh, il dit ensuite, ok, donc ça c'est la position de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet de la personne qui commet un grand péché. وَهَذَا مَعْنَا قَوْلُ النَّاظِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُكَفِّرَنَّ أَهْلَ الصَّلَاةِ يعني أهل القبلة من المؤمنين والمسلمين قوله وإن عصوا يعني ما دامت معصيتهم دون الكفر والشرك وقوله فكلهم يعصي لا يسلم أحد من المعاصي قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Abi Daoud, il dit dans cette manzouma, ne déclare pas les gens de la salat, c'est-à-dire les musulmans qui établissent la salat, ne les déclare pas kuffar, même s'ils désobéissent, tant que leur désobéissance n'a pas atteint le niveau du kufr ou du shirk, parce que chacun d'entre eux, hein, ils désobéissent tous. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut dire, moi je ne fais pas de péché. Il n'y a personne qui peut dire, moi ça y est, j'ai jamais péché, ou bien je fais jamais de péché. Ça c'est faux, hein? Ça c'est un mensonge. Tout le monde fait des péchés, hein? Avec son corps, avec son cœur, hein? Avec les membres de son corps, ainsi de suite, tout le monde commet des péchés. Et il n'y a personne qui est exempté de péché. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement à ce sujet-là, il dit, tous les fils d'Adam font des péchés, et le meilleur d'entre ceux qui sont le meilleur d'entre eux, parmi ceux qui font des péchés, sont ceux qui se repentent. At-tawwabun, c'est-à-dire ceux qui reviennent constamment en repentance. Donc chaque fois qu'ils font un péché, ils demandent pardon et ils font tawba, ils se repentent. D'accord? Et à propos de ça, justement, on voit que ici l'imam Ibn Abi Daoud, il dit « Wala tukaffiran ahla salah ». Donc on voit qu'il a spécifié, par exemple, ne déclare pas kuffar les gens qui établissent la salat. Et le cheikh Al-Fawzan, il n'en a pas parlé, sauf que ça nous indique la question de la personne qui ne prie pas. Hein? Et il faut comprendre une chose importante, c'est que au sujet de la personne qui ne fait pas la salat, il y a une divergence entre les ulamas de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a sur la question de celui qui l'abandonne par paresse. Sur la question de ce qui a rapport avec le fait de de renier son obligation. Il n'y a pas de divergence entre les ulama sur le fait que quiconque nie l'obligation de la prière, il est kafir. Et c'est pas seulement celui qui nie l'obligation de la prière, celui qui nie l'obligation de n'importe quelle d'entre les obligations dans l'islam, il est kafir. Et celui qui nie une obligation dans l'islam, alors qu'il sait que cette chose-là est dans le Coran, dans la Sunna, alors celui-là, il est kafir. De même que celui qui nie l'interdiction de quelque chose qui est connu dans l'islam comme étant haram, il est kafir lui aussi. Donc quelqu'un qui dit le zina c'est pas haram, ou l'alcool c'est pas haram, ou le porc c'est pas haram, ainsi de suite, s'il le nie, alors il est kafir. Parce qu'il contredit la parole d'Allah. Et il contredit la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de démentir ou de traiter de mensonge la parole d'Allah, c'est kufr. Donc, ça c'est quelque chose qui est clair, et il y a l'ijma des ulama à ce sujet-là. Il y a un consensus des savants de l'islam, à l'unanimité, ils sont tous d'accord sur ce principe-là. D'accord? Toutefois, en ce qui concerne la personne qui délaisse la prière par paresse, c'est-à-dire il reconnaît son obéissant, son obligation, mais il la délaisse par paresse, il y a une divergence entre les ulama de Ahl Sunna wal Jama'a. Et certains d'entre eux disent que si il la délaisse, ils disent que il est musulman, mais que sa foi est faible, tandis qu'il y en a d'autres qui disent que s'il la délaisse par paresse, eh bien, il est sorti de l'islam et il est kafir. Et il se base sur des hadiths pour prouver ça, comme Bayn al-Rajul wal-Kufr wal-Shirk, Tark al-Salah. Entre l'homme et la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la salah, ou bien le hadith qui dit Al-Ahdu al-Ladhi baynana wa baynahum al-Salah, faman tarakaha faqad kafar. L'entente qu'il y a entre eux et nous, c'est la salah, et celui qui l'abandonne, il a mécru. Mais il faut savoir en fait que sur cette question-là, la divergence, elle existe entre les savants de Ahl Sunnah ou Al-Jama'a eux-mêmes. Donc ça fait partie des divergences au sujet desquelles on n'a pas le droit de se diviser. Et il ne faut pas en faire une question de fitna ou une question de division. Dans le sens que les ulama qui ont divergé là-dessus, ils n'ont pas divergé en se basant sur leur passion. Ils ont divergé en se basant sur des preuves et des textes du Coran et de la Sunna. D'accord? Ceux qui ont dit que la personne qui abandonne la salat, il n'est pas kafir, ils se basent sur des hadiths et sur des versets dans le Coran pour dire que ce kufr-là, ce n'est pas un kufr akbar, c'est un kufr dun kufr. C'est un kufr qui ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. D'accord? Et il mentionne d'autres textes dans lesquels la mention du terme kufr est utilisée, sauf que ce n'est pas dans le sens d'un kufr qui fait sortir de la religion. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et c'est le jumhur, la majorité des ulama qui déclare que la personne qui abandonne la salat, mais qui reconnaît son obéissance, il n'est pas considéré comme étant un kafir, comme par exemple l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik. Ils disent que celui qui abandonne la salat tout en reconnaissant son obligation, il l'abandonne par paresse, il n'est pas considéré comme mécréant. Et même qu'une narration attribuée à l'imam Ahmad également mentionne qu'il considère que celui qui abandonne la salat, il n'est pas kafir. Et si vous retournez dans Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama, il mentionne cette opinion-là et il fait le tarjih de cette position. C'est-à-dire l'imam Ibn Qudama qui est l'imam du madhab, c'est-à-dire qui est un des plus grands savants dans le madhab Hanbali, il défend la position que celui qui abandonne la prière tout en reconnaissant son obligation et qui la délaisse par paresse, et qu'il n'est pas kafir. Donc, ça c'est à propos de cette question-là, et c'est ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, on n'a pas le droit de les traiter de murji'a, et ceux qui disent qu'ils sont que celui qui délaisse la prière, qu'ils sont kuffars, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont des khawarij. Parce que cette divergence-là, c'est une divergence qui fait partie des divergences à l'intérieur des positions de Ahl Sunnati wal Jama'a, et c'est une divergence d'ijtihad entre les ulama dans la compréhension des textes, et ce n'est pas basé sur la passion, contrairement aux divergences des gens de la passion et des gens de bid'a. Les divergences des gens de bid'a, c'est parce qu'ils opposent des textes de façon claire et évidente et apparente. Et il se base sur la passion pour les opposer. Et dans ce cas, ici, c'est pas le cas. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ça c'est juste un point que je voulais mentionner en passant pour juste clarifier ça, pour éviter que justement des gens utilisent cette question-là pour faire des débats ou des disputes. Parce qu'il y en a qui disent, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit que celui qui ne prie pas, il est kafir, même s'il reconnaît son obéissance et son obligation, pardon. Et Cheikh Al-Albani, il dit que celui qui ne prie pas et qui reconnaît son obligation, il n'est pas kafir. Il faut savoir que cette divergence, elle existait avant Cheikh Ibn Uthaymeen et avant Cheikh Al-Albani. C'est une divergence qui existe depuis l'époque des salafs. Donc, il ne faut pas en faire une question de fondement, c'est-à-dire de division entre nous. Et un point aussi qui est important, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen, la personne qu'il déclare comme étant kafir, qui abandonne la salat, c'est celui qui l'abandonne absolument, c'est-à-dire qu'il l'abandonne complètement. Il ne prie jamais. Celui qui prie des fois, après il l'abandonne, après il prie, après il l'abandonne, celui-là, il ne dit pas qu'il est kafir. Donc ça, c'est un point important de comprendre aussi. Wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ وَذُّ الْعَرْشِ يَصْفَحُ يَعْنِي يَغْفِرُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاص دون الشرك فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم ولكن لا يخلدهم في النار هذا هو المذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي. Donc le cheikh il dit ensuite que l'imam Ibn Abi Daoud il dit وَذُ الْعَرْشِ يَصْفَحُ, c'est-à-dire le détenteur du trône, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne. Il pardonne à ceux qui commettent des péchés. Comme dans le verset وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء, c'est-à-dire il pardonne à qui, en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut, tout autre péché. Et dans le hadith al-Qudsi, si mon serviteur me vient avec la quantité de péché équivalente à la terre entière, puis il vient à moi sans avoir commis aucune forme de shirk, eh bien je vais lui donner une quantité équivalente de pardon. Et il dit ensuite, donc, si ces gens-là font partie des gens du tawhid, ils n'ont pas fait de shirk, ils ont uniquement des péchés qui sont moindres que le shirk. Alors, dans ce cas, il faut espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 53, dans Surat Az-Zumar, dit au Muhammad, à ces gens, ô mon serviteur qui a exagéré dans le péché, il a fait du tort à lui-même en faisant des péchés, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire, ô toi mon serviteur qui a fait des péchés et qui s'est fait du tort à lui-même en désobéissant, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafur rahim. Certes, il est le pardonneur et le miséricordieux. Et ce verset-là, c'est pour la personne qui s'est repentie, qui a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est repentie. Donc, si la personne, elle s'est repentie, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous les péchés, même le shirk. C'est-à-dire, si quelqu'un a commis le shirk, puis il s'est repenti, il a cessé de le faire, puis il a demandé pardon à Allah, puis il a accepté l'islam, il a dit la ilaha illallah, hein? Eh bien, s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il rentre dans l'islam, Allah lui pardonne tous ses péchés. À partir de ce moment-là, même le shirk. Mais s'il meurt sur le péché, si c'est shirk, ça y est, il va en enfer pour l'éternité. Si c'est kufr, akbar, il va en enfer pour l'éternité. Mais si c'est quelque chose qui est moindre que le shirk akbar ou le kufr akbar, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner ou il peut le châtier pour ses péchés, mais il ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Ça, c'est la voie de la modération qui est entre l'extrême et entre l'exagération et le laxisme parmi les gens au sujet de la question des pécheurs. Maintenant, il y a une autre question, c'est expliqué dans le vers 27, dans la version originale, puis c'est le 34 dans la version du Cheikh Al-Fawzan avec l'ajout des sept vers. Il dit, l'imam Ibn Abi Daoud dit, ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. C'est-à-dire, ne crois pas en l'opinion ou en la position des khawarij, parce que c'est une position ou c'est une parole pour celui qui l'aime, qui l'amène à sa perte et qui va le faire périr. Le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Khawarij firqa min firaq al-dalal. Summu bil-Khawarij li'annahum kharaju an ta'ati wulat al-umur. Wa awwalu ma kharaju ala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi khilafatihi. Wa qalu, limadha tuhakkimu al-rijal? Wallahu jalla wa ala yaqul, in il-hukmu illa lillah. Donc le cheikh explique, il dit que les Khawarij, c'est une secte parmi les sectes des garments qu'on appelle donc Khawarij parce qu'ils ont sorti contre l'autorité du dirigeant. Ils se sont rebellés contre l'autorité du dirigeant musulman. Et au début, lorsqu'ils sont sortis, ils sont sortis la première fois contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et quand ils sont sortis contre lui, c'était quoi l'argument qu'ils avaient ou l'excuse qu'ils avaient pour se rebeller contre lui? C'est, ils ont utilisé le verset 40 dans Surat Yusuf et ils ont dit à Ali, pourquoi tu prends des hommes comme juges alors que Allah dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Hein? Donc ils ont dit, tu prends des hommes comme juges dans la religion d'Allah alors que Allah dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et si vous connaissez aujourd'hui les gens du takfir, vous allez voir qu'ils utilisent encore aujourd'hui la même shubha que les khawarij de l'époque de Ali radiallahu anhu. Hein? C'est-à-dire que la majorité d'entre eux, quand ils veulent faire le takfir des dirigeants, ils se basent sur le verset dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَحْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ils se basent sur ce verset-là pour faire le takfir des dirigeants. Et donc, à la base, la shubha des khawarij d'aujourd'hui, c'est la même shubha que la shubha des khawarij de l'époque des sahaba. Il y en a qui disent, ah mais non, nous on n'est pas, hein, les khawarij d'aujourd'hui, ils disent, nous on n'est pas comme les khawarij de l'époque. Et pourtant, la shubha qu'ils utilisent, c'est la même que celle des khawarij de l'époque. Puisqu'il est important de comprendre que dans le verset, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ » فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Les ulama des salafs ont expliqué que le kuf dont il est question, hein, il y a deux catégories de kuf qui peuvent être appliquées. Soit que c'est le kuf akbar ou asrar, selon l'état de la personne. D'accord? Et les ulama ont expliqué à ce sujet-là que yani, celui par exemple qui pense que les lois autres que la loi d'Allah sont supérieures à la loi d'Allah, ceux-là sont des kuffars, ils ont quitté l'islam. S'ils croient que ce n'est pas supérieur, mais que c'est équivalent à la religion d'Allah et à la loi d'Allah, ceux-là sont des kuffars et ils ont quitté l'islam, ils sont en dehors de la religion. S'ils disent, non, ce n'est pas supérieur et ce n'est pas équivalent, mais c'est correct, c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ceux-là aussi, les ulama ont dit, ceux-là sont des kuffars et ils ont quitté l'islam. Toutefois, il y a une autre catégorie. C'est ceux qui ont jugé par autre que la loi d'Allah, soit parce qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont fait une erreur en jugeant, en faisant une ijtihad dans laquelle ils se sont trompés, comme par exemple les ulama lorsqu'ils font une ijtihad et qu'ils se trompent, ou bien que ce sont des gens qui ont jugé en suivant leur passion et leur désir. Hein? Donc ils jugent dans une question en sachant que lorsqu'ils décident cette position, ou qu'ils jugent, ils décrètent cette position ou cette opinion, ou cette position, ils savent que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Ils disent pas que c'est permis. Ils disent pas que c'est équivalent à la charia. Ils disent pas que c'est meilleur que la charia. Mais ils disent, je le sais que c'est contraire à, que c'est contraire à l'islam, que c'est haram. Sauf que, il suit sa passion, il suit ses désirs, il veut quelque chose de la dunya ou des choses comme ça. Celui-là, son kufr, c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. C'est un kufr duna kufr. Et ça a été expliqué par les salafs, hein, comme Ibn Abdullah ibn Abbas, et également par d'autres d'entre les ulamas aussi. Et tous les ulamas d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord sur ce principe-là. Tous les ulamas d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont d'accord sur ce point-là. D'accord? Et ceux qui sont sur la voie des takfiriyin aujourd'hui, eux, ils considèrent que il n'y a pas cette catégorie-là aujourd'hui de ceux qui sont dans le kufr, dans la kufr. Eux, ils pensent que tout le monde sont, tous les dirigeants sont tous des kuffars en dehors de l'islam. Ils ne font pas de distinction entre les deux. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les accusent d'être des murji'a. Et c'est pour ça que vous allez entendre souvent des gens qui sont parmi les gens du takfir et qui suivent la voie des khawarij, qui vont dire à propos des ulama d'Ahl al-Sunnah, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres grands ulama, ils disent, ces ulama sont des murji'a. Hein? Pourquoi? Parce qu'eux sont sur la voie des khawarij, et pour eux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans le takfir, ils les déclarent comme étant des murji'a. Ça, c'est à cause de leur ignorance et de leur égarement. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ils ont pris la même shubha que les premiers khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à leur sujet, « Yaquluna min khayri qawl al-bariya. » Hein? « Yaquluna min khayri qawl al-bariya. » Quand il les a décrits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ahdathu al-asnan, sufaha'u al-ahlam, yaquluna min khayri qawl al-bariya. Yamruquna min al-islam, muruqa sahmi min al-ramiya. » Hein? C'est-à-dire, ce sont des jeunes et ce sont des faibles d'esprit. Et ils disent, parmi les meilleures paroles, c'est pour ça que Ali, radiallahu anhu, quand il les a entendus dire, « Inil hukmu illa lillah », il a dit, « Kalimatu haqq, aradu bihi al-batil ». C'est une parole de vérité, mais ils ont voulu dire quelque chose de faux en se basant sur cette parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, « Yamruquna min al-islam », ils sortent de l'islam comme une flèche sort de son arc. يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم. Ils lisent le Coran sans que ça descende plus bas que leur gorge. C'est-à-dire, ils lisent le Coran, ils n'ont aucune compréhension de qu'est-ce qu'ils lisent. Hein? Et ils ne retournent pas aux ulama. Ils ne retournaient pas aux sahaba. Ils faisaient le takfir des sahaba. Aujourd'hui, ils ne retournent pas aux ulama. Ils font le takfir des ulama. Parce qu'ils disent que les ulama protègent les tawarites, comme ils disent. Donc, il déclare les ulama kuffar. Une fois que quelqu'un a déclaré les ulama kuffar, qui est-ce qui reste qui n'est pas kafir? Hein? Donc, ça, c'est la voix des khawarij et la voix des gens de l'égarement. Et cette voix-là, elle est propagée et elle est mise de l'avant de la part de la plupart des groupes et des tendances modernes parmi les groupes islamiques aujourd'hui, comme les Ikhwan al-Muslimoun, fondés par Hassan al-Banna, et d'autres groupes contemporains, et d'autres partis islamistes politiques, soi-disant, qui défendent ces idéologies-là. Hein? Et on a vu qu'est-ce qui est arrivé dans beaucoup de pays musulmans, où on a tué et égorgé des gens au nom de ces idéologies de takfir et de khuruj et d'extrémisme. Et donc, tout ça, c'est, à l'origine, ça vient de l'idée, justement, de déclarer les dirigeants kuffars et de se rebeller et d'appeler à la rébellion contre les dirigeants. Et ça, c'est une chose que les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont combattu et ont réfuté. Et parfois, vous allez voir que certains d'entre eux, ça c'est un petit point que je vais mentionner juste avant de continuer, ils vont prendre une fatwa d'un cheikh ou d'un alim et ils vont la prendre toute seule et ils laissent de côté toutes les clarifications détaillées qui ont été données par ces ulama-là dans leurs livres, dans leurs durus et dans d'autres contextes. Donc, ils cherchent parmi les paroles des ulama à trouver une fatwa qui est assez générale pour leur permettre de pencher vers leur opinion ou leur idée. Puis ils disent, moi je m'accroche juste à cette parole-là, je ne veux rien savoir du reste. Et ils laissent de côté toutes les explications détaillées parmi les explications qui ont été expliquées dans les livres de la Aqidah des imams des salafs, qui sont des fondements dans les questions de Aqidah et de croyance. Donc ça c'est de l'injustice, c'est de l'ignorance de leur part. Hein? Et donc ça c'est très important de bien le comprendre pour éviter justement de tomber dans leur erreur, parce qu'on voit que certains d'entre eux essaient de chercher des paroles dans les paroles des ulama qui sont sur la voie des salafs pour essayer de se donner une crédibilité dans leur position. Mais quand on analyse les positions des salafs sur ces questions-là, on voit qu'ils sont en opposition totale avec les explications des salafs. Donc quand les Khawarij à l'époque de Ali radiallahu anhu sont venus et ils ont dit, tu prends des hommes comme juges dans la religion d'Allah, et ils ont dit, in al-hukm illa lillah, le jugement n'appartient qu'à Allah. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu est parti les rencontrer pour débattre avec eux, hein, pour établir la preuve contre eux, ou bien pour ramener certains d'entre eux qui auraient dit cette chose-là par ignorance. Hein, il est parti, il a argumenté avec eux pour les convaincre et les ramener, hein, ou pour établir la preuve contre eux. Donc il dit le cheikh, ولذلك لما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهة وقالوا إنه حكم الرجال فقال أليس الله قد حكم الرجال في الأرنب يصيدها المحرم فقال في الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أليس الله حكم الرجال في قضية النشوز في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فحكم الرجال وتحكيم علي رضي الله عنه للرجال هو من هذا القبيل. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que donc Abdullah ibn Abbas est parti pour les rencontrer. Et ce débat qu'il y a eu entre Abdullah ibn Abbas et les Khawarij, les Haruriyin, comme on les appelle, parce qu'ils étaient réunis à un endroit qu'on appelait Harura, eh bien, ce débat, il est mentionné dans différents livres. Il a été rapporté par les ulama dans différents livres comme Abdul Razzaq al-Sana'ani dans Al-Musannaf et l'imam Ahmad dans la Musnad et Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Ils ont mentionné cette histoire. Et parmi ce qui est mentionné dans l'histoire, c'est qu'Abdullah ibn Abbas il est venu et ils ont mentionné cette shubha à Abdullah ibn Abbas. Ils ont dit, toi tu prends les hommes comme juges dans la religion d'Allah. Alors Abdullah ibn Abbas leur a répondu et il les a réfutés avec le Coran. Il leur a dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala a pris les hommes comme juges dans la question du lapin lorsqu'il est chassé par le muhrim, lorsque quelqu'un va au hajj et il est en état d'ihram, de sacrilisation, hein, il n'a pas le droit de chasser durant cette période. Eh bien, s'il a chassé, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il doit prendre deux personnes de confiance, deux juges, et ils doivent décider de qu'est-ce qu'ils doivent donner comme offrande à la Kaaba pour les pauvres, hein, par rapport à qu'est-ce qu'il a tué. Il doit sacrifier, donner une offrande qui correspond à la valeur de l'offense qu'il a fait. Donc dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de prendre deux juges et c'est eux qui vont juger dans cette question-là, n'est-ce pas que également. Ça c'est le verset 95 dans Sourate Al-Ma'idah. Et il dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala a également ordonné de prendre des hommes comme juges dans le cas où il y a des disputes entre un homme et son épouse, hein, quand une femme refuse par exemple d'obéir à son mari dans le bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit que dans ce cas-là, ils doivent prendre un juge de la famille de la femme et un juge de la famille de l'homme, et que c'est eux qui vont aider à faire la réconciliation entre les deux. Alors dans ce cas-là, encore une fois, il y a la mention d'utiliser des hommes comme juges. Hein? Donc il dit que lorsque Ali radiallahu anhu a pris deux hommes, deux sahabis comme juges pour régler les différends et les divergences, ça rentre dans cette catégorie de jugement. Ça rentre dans cette catégorie-là. Et donc c'est pas kufr. Hein? Donc c'est ça la compréhension du Coran. On voit que chez Abdullah ibn Abbas il y a une grande compréhension des règles du Coran, tandis que chez les Khawarij ils voient les choses, comme on disait plus tôt dans le cours précédent, ils prennent les choses en dehors de leur contexte. Ils prennent un verset tout seul et puis ils veulent l'appliquer, et ils laissent de côté tous les autres versets qui détaillent et qui clarifient la question ou les hadiths. Donc ça c'est l'égarement. À l'époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une nouvelle situation qui arrivait et que les musulmans devaient juger à propos de cette nouvelle situation, est-ce que vous pensez que les sahaba, yani, ils faisaient juste comme ça, une décision rapide comme ça? Non. Ils réunissaient tous les sahaba pour leur demander conseil, et ils sortaient les connaissances qu'ils avaient au sujet de cette question, et après ils établissaient le verdict et le jugement. Donc c'est pas juste prendre un verset, un hadith, tu penses que tu l'as compris, tu l'appliques à ta façon sans retourner aux autres versets, aux autres hadiths et à la compréhension des ulama et des salaf. Ça c'est l'égarement, ça c'est l'extrémisme, c'est l'erreur. Donc le cheikh il dit فَإِنَّ رَأْيَ الْخَوَارِجِ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ. Hein? Donc quand vous voyez par exemple l'exemple de ces khawarij aujourd'hui qui font le takfir et tout, hein? Ils essaient de prendre une fatwa à gauche, une fatwa à droite. Hein? Allez les voir, si ces gens-là ils essaient de débattre avec vous, vous leur dites, lequel d'entre les ulama est d'accord sur ce que vous dites? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, c'est comme quelqu'un, c'est un drôle d'exemple, mais quand même c'est la réalité. C'est comme quelqu'un, il a essayé de se former une opinion ou une idée. Il a pris un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu ici, un petit peu là. Il les a tout mis ensemble. Il a créé un monstre avec. C'est ça que ces gens-là ont fait. Maintenant, tu leur dis, viens, toi, tu te bases sur la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, ou la fatwa de Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, ou la fatwa du Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, ou la fatwa de Cheikh la fatwa du Cheikh Saleh Al-Sheikh, ou n'importe quel d'entre les ulama qui sont vivants. Viens, on prend un billet d'avion, toi et moi, on s'en va s'asseoir devant le Cheikh. On va lui demander, est-ce que le dirigeant que toi tu as déclaré kafir, est-ce que lui, il dit qu'il est kafir, oui ou non? Est-ce qu'il est d'accord sur tout ce que tu dis, sur toute la ligne? Oui ou non? Ou bien tu essaies juste de prendre une fatwa comme ça, tirée en dehors de son contexte, ou une position, ou une parole, qui semble pencher vers ce que tu dis, pour essayer de justifier ta position. Alors que le cheikh, il n'aime pas dire ce que tu dis toi. Toi, tu prends une goutte d'eau, puis tu fais un océan avec. Le cheikh, il n'a pas dit ce que tu dis toi. Mais toi, tu prends sa fatwa et tu fais des déductions avec, selon ta petite compréhension et ta petite connaissance. Et ça, c'est de l'égarement. Hein? Tu t'es mis au-dessus du cheikh et tu as pris sa parole et tu t'es placé comme si tu étais un mujtahid ou un mufti et que tu veux essayer d'établir des hukum sur les gens. Déjà, le takfir, c'est les ulama qui le font. Hein? Déjà, le takfir, c'est les ulama qui le font, c'est pas n'importe qui. Hein? Parce qu'il y en a, par exemple, il y a une question qui a été mentionnée par certains individus qui ont des choubouhats dans le takfir, et ils mentionnaient ça. Ils disaient, il y en a qui se basent sur les fatwas de tel cheikh pour faire le takfir, donc il ne faut pas dire qu'ils sont des khawarij. Hein? Si le cheikh, lui, il a mentionné cette chose dans une fatwa, et que toi tu la prends, est-ce que toi tu penses que toi t'es justifié? Si le cheikh il a fait une erreur, est-ce que toi t'es justifié de répéter la même chose que lui? Hein? Donc c'est pas, tu prends une fatwa puis tu l'appliques, et tu l'appliques sur qui tu veux par la suite, et t'extrapoles, et tu élabores, non. Hein? Déjà peut-être que le cheikh il a résumé dans cette fatwa, dans une autre fatwa ou dans un autre contexte, il a élaboré, et il a expliqué en détail qu'est-ce qu'il voulait dire. Regarde les autres paroles aussi. Et c'est ça que Cheikh Al-Fawzan il a dit. Il a dit, quand vous allez prendre la position d'un des ulama, prenez pas juste une fatwa qu'il a dit, prenez toutes les fatwas qu'il a faites qui concernent ce sujet-là et mettez-les ensemble. Et après, vous allez savoir sa vraie position. C'est pas juste une fatwa comme ça. Parce que des fois, dans une fatwa, il élabore, dans une fatwa, il résume. Et donc, il ne faut pas, justement, suivre ses passions dans la façon dont on lit les fatwas des ulama. Après, le Cheikh dit, « فَإِنَّ رَأْيَ الْخَوَارِجِ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يعني يُحِبُّهُ وَيَتَّبِعُهُ يُرْدِي يُهْلِكُ مَنْ قَالَ بِهِ لِأَنَّهُ رَأْيٌ خَطِيرٌ فِيهِ تَكْفِيرُ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحْلَالُ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَالْخُرُوجُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ فمذهب الخوارج يتفرع منه وقوع قبيحة فلا تعتقده أو تميل إليه بل يعتبره مذهبا باطلا وهذا في الذي يرى رأيهم ولو لم يفعل مثل فعلهم فكيف بالذي رأى رأيهم وينفذه. Le Cheikh il dit donc que la position des Khawarij, comme le dit l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani, c'est une parole pour celui qui l'aime, hein, quand il la suit, l'amène à sa perte. Cette position l'amène à sa perte, lorsqu'il l'a dit. Parce que c'est une idée très dangereuse et très grave, qui a des conséquences lourdes. Et ça, on l'a vu dans la réalité de ce qui s'est passé à travers l'histoire des musulmans. Juste l'exemple de Othman ibn Affan radiallahu anhu qui a été assassiné par les Khawarij. Ali radiallahu anhu qui a été assassiné par un Khariji. Ces gens-là, une fois qu'ils ont commencé leur fitna, elle n'a plus arrêté jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Et elle va continuer jusqu'à ce que les derniers d'entre eux combattent avec le Dajjal. Ils vont s'allier avec le Dajjal contre les musulmans. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé d'eux, il les a appelés Kilab ou Ahl al-Nar. Il les a appelés les chiens de l'enfer, les chiens des gens de l'enfer. Donc ça c'est pour dire à quel point c'est des gens dangereux, des gens égarés. Ils font le takfir des musulmans, ils rendent leur sang halal ainsi que leurs biens, et ils sortent et ils se rebellent contre les dirigeants. Ça, vous avez plein de ces gens-là qui ont cette tendance, qui appellent, hein, à la redistribution des biens et la redistribution des richesses, à l'équité, à l'égalité sociale, et qui appellent à la rébellion. Ils se battent sur les idées des communistes, des socialistes, des démocrates et des laïcs pour appeler à la rébellion contre les dirigeants dans les pays musulmans. Hein? Et c'est ça ce qui se passe maintenant. C'est ça qui est arrivé dans les pays aujourd'hui où il y a eu des révolutions. Regardez le résultat, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, hein? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Et à chaque fois, ça a amené du sang et ça a amené du désordre et de la corruption. Le Cheikh dit, فَمَذْهَبُ الْخَوَارِجِ, donc il dit la voix des Khawarij, ça fait découler toutes sortes de choses également qui sont très laides. Donc ne prends pas cette position-là, et ne crois pas en cette position-là, et ne penche pas vers cette position-là, et considère que c'est une position qui est fausse. Et en même temps, il faut comprendre qu'il faut faire attention à ceux qui ne prennent pas nécessairement eux-mêmes les armes, ils ne vont pas nécessairement aller tuer ou faire des choses de ce genre, physiquement ou activement, mais avec leur langue, ils incitent à ces choses-là. Par exemple, ils font le takfir et ils critiquent les dirigeants et ils appellent à critiquer les dirigeants sur le minbar ou dans leurs réunions ou dans leurs conférences ou ainsi de suite. Et il y a une catégorie des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya. Les ulama ont parlé de cette catégorie-là dans leurs livres. Et ils mentionnent que Al-Qa'adiyya, ce sont une catégorie des Khawarij. Eux, ils ne prennent pas les armes contre les dirigeants. Ils ne font qu'inciter les gens, les autres, à le faire. Et ils ont dit que cette catégorie-là, elle est plus dangereuse même que les autres qui prennent les armes, parce que c'est à cause d'eux, souvent, que les autres vont sortir par la suite. Et donc, c'est quelque chose de très dangereux, et il faut faire attention à ces gens-là. Tu les vois, hein, toujours en train de critiquer les dirigeants et parler contre eux. Et donc, ça, c'est une voie qui ouvre la porte, hein, au takfir et au khuruj. Et qui en profite à la fin, c'est les kuffars qui profitent de ça, justement, par la suite. Parce que ça affaiblit et ça divise les musulmans. Donc, le cheikh dit, « وَهَذَا فِي الَّذِي يَرَى رَأْيَهُمْ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مِثْلَ فِعْلِهِمْ » Donc, ça, c'est celui qui a la même opinion qu'eux, même s'il ne fait pas la même chose qu'eux. Juste, il croit en ce qu'il croit. Donc, s'il croit en ce qu'il croit, déjà, il est égaré. Donc, que dire de celui qui a la même opinion et qui exécute ce qu'ils disent. Donc, ça aussi, c'est encore plus un égarement. Ensuite, le cheikh, il dit, il passe maintenant à un autre sujet, « Aqidatul Murji'a ». Il parle maintenant de la aqida des Murji'a, mais de façon séparée. C'est-à-dire, on a parlé des Murji'a tout à l'heure, maintenant, l'imam Ibn Abi Daoud, il en parle directement dans la Manzouma. Donc, c'est les vers 28, 29 et 30 dans la Manzouma de l'imam Ibn Abi Daoud, dans l'original et dans la version qu'on est en train d'expliquer, c'est les versets 35, 36 et 37. Donc, le cheikh il dit, « وَلَا تَكُ مُرْجِيًا لَعُوبًا بِدِينِهِ أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِيُ بِالدِّينِ يَمْرَحُ وَقُلْ إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ وَفِعْلٌ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُصَرَّحُ وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. Le cheikh, l'imam Ibn Abi Daoud, il explique, il blâme ou il critique la voie des Murji'a, puis après il définit la foi, la définition de la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc il dit, ne sois pas un Murji qui joue avec sa religion. Le Murji, hein, c'est uniquement quelqu'un qui prend la religion pour un jeu. Et il dit que dit plutôt que la foi, c'est une parole, une intention dans le cœur et une action, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement, et elle diminue parfois à cause des péchés, et parfois elle augmente avec les obéissances. Hein? Donc, ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné au sujet de la foi dans la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et le cheikh Al-Fawzan, il l'explique un peu plus en détail. Donc, on va commencer juste à faire l'introduction à ce sujet-là. Le cheikh, il dit, Al-Murji'a, هم الطرف الثاني المقابل للخوارج. وسموا المرجئة من الإرجاء وهو التأخير. لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فقالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان. فلو أن الإنسان آمن بقلبه ولم يفعل شيئا فلم يصلي ولم يزكي ولم يأتي بالأوامر ولم يجتنب المحرمات فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان وهذا مذهب باطل وفيه تعطيل للأعمال نهائيا. Donc le cheikh il dit que les murji'a sont à l'autre extrême des khawarij. On les appelle les murji'a parce que ça vient de al-irja. Et al-irja en arabe ça veut dire al-ta'khir, c'est-à-dire de faire reculer ou de retarder. Donc les murji'a, ils ont en fait exclu les actions de la définition de la foi ou du nom de la foi. C'est-à-dire pour eux les actions ne font pas partie de la foi du tout. Et ils ont dit que les actions n'entrent pas dans la foi. Donc si quelqu'un, il dit, si quelqu'un croit avec son cœur, mais ne fait aucune action, il ne fait pas la salat, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas les ordres qu'Allah a ordonnés, et il ne s'écarte pas des choses haram, il fait tout ce qu'il veut parmi les choses haram, ils disent qu'il est croyant et que sa foi elle est complète. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un madhab, c'est une voie qui est batil, qui est faux. et ça fait en sorte que on annule complètement les œuvres et les actions, d'accord. Et juste à ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui font partie des gens qui ont cette aqida, et en particulier les gens qui sont sur la voie des Asha'ira. Hein, les Asha'ira et les Maturidiyya font partie des Murji'a. Ils ne font pas entrer les actions dans la définition de la foi. C'est pour ça que beaucoup de prêcheurs, hein, qui ont étudié Al-Azhar, qui viennent de l'Égypte, hein, eh bien, on voit que dans leur position, ils défendent cette question-là. Hein. Et je me rappelle une fois dans une conférence, j'ai entendu Ali Tariq Ramadan qui mentionnait justement que il disait comme définition d'un musulman, il disait si tu te sens musulman, tu es musulman. Si tu te sens musulman, tu es musulman. Donc pour lui, Yanni, c'est pas la pratique, hein, le fait de pratiquer les actions, c'est pas ça qui définit que tu es un musulman ou non. Et c'est pas surprenant de l'entendre dire des choses pareilles, puisque les gens qu'il prend comme une référence dans sa religion sont les gens qui sortent justement de l'école des Asha'ira, qui sont des Murji'a dans l'Iman, dans la foi. Donc les Asha'ira, leurs déviations et leurs égarements, c'est pas seulement au sujet des noms et des attributs. Leurs déviations, hein, comme les Ahbash aussi, leurs déviations, c'est pas seulement dans les noms et les attributs, c'est aussi dans le Qadar, c'est aussi dans la foi, et c'est aussi dans beaucoup d'autres questions aussi. Donc le Cheikh dit wa qawl an-Nazim rahimahullah ta'ala wa la takum murjiyan la'uban bi dinihi li'ann madhhab al-irja tal'ab bid-din يكون العبد مؤمنا عندهم ولو لم يعمل شيئا ولو ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج ولو لم يعمل شيئا طول حياته ولو فعل كل المحرمات وهذا مذهب باطل ولذلك فالفساق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب ويؤيدونه لأنه يصلح لهم يعني يعملون ما يشاءون وهم على إيمانهم عند المرجئة فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب وهو مبني على التلاعب بالدين والتحلل منه نهائيا. Donc, le Cheikh il explique que l'imam ibn Abi Dawud il dit ne sois pas un murji qui joue avec sa religion, parce que la voix de Al-Irja, en réalité, c'est la voix des gens qui jouent. Ils prennent la religion pour un jeu. Ils disent que le serviteur, il est croyant, peu importe qu'il ne pratique pas l'islam ou qu'il fasse des péchés, même s'il ne fait pas la salat, même s'il ne fait pas le jeûne, même s'il ne fait pas la zakat, il ne fait pas le hajj. Hein? Il ne fait rien pendant toute sa vie et il fait tout ce qui est haram. Ils disent sa foi, elle est complète. Hein? Donc ça, c'est un madhab, c'est une voix qui est fausse. Et les gens qui sont sur le péché et qui aiment le péché, ils se réjouissent de ce genre de voix et ils le défendent. لِأَنَّهُ يَسْلُحُ لَهُمْ. Donc parce que c'est en accord avec leur intérêt. Donc c'est bon pour eux. Donc ils font ce qu'ils veulent et ils prétendent qu'ils restent sur la foi. Ça c'est selon les Murji'a. Et les gens des passions, les gens des désirs, les gens des péchés, ils aiment cette voie comme le Cheikh il l'a dit. Et ça c'est basé sur un jeu que ces gens-là font, puisqu'ils jouent avec la religion, et à la fin ils sortent complètement des fois de la religion en entier. Wa qawluhu rahimahullah ta'ala ala innama al-murjiyu bid-din yamrahu ya'ni al-murji'a yal'abuna bid-din wa yu'attiluna al-awamir wan-nawahi فعلى مذهبهم لا حاجة إلى الأوامر والنواهي فيكون هذا تلاعبا بدين الله عز وجل. Le Cheikh dit donc que ne sois pas donc un murji qui joue avec sa religion. Le murji, c'est quelqu'un qui joue avec la religion. Il annule les ordres et les interdictions. Donc, il croit que c'est pas nécessaire de respecter ces choses-là. Donc il joue avec la religion. وقوله رحمه الله تعالى قل إنما الإيمان قول ونية. Donc là le cheikh maintenant il rentre dans la définition de la foi selon أهل السنة والجماعة. Il dit وقل وقل إنما الإيمان قول ونية هذا القول الثالث يعني اترك رأي الخوارج واترك رأي المرجئة وقل قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريف الإيمان الكامل المأخوذ من الأدلة لا من الأهواء والأفكار فالإيمان يتكون من هذه الأربعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Abi Daoud il définit donc la foi en disant et dit la foi est une parole et une intention. Ça c'est le début de du vers. Il dit donc ça c'est la position, la troisième position, c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit donc c'est comme si l'imam Ibn Abi Daoud il dit laisse tomber les khawarij, laisse tomber les murji'a et dit et prend comme position la position de Ahl Sunnati wal Jama'a qui définit la foi en disant que c'est une parole prononcée par la langue, une croyance crue par le cœur qui est dans le cœur et une action faite par le corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Et ça, c'est la définition complète de la foi telle qu'elle est prise dans les textes de la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, et non pas comme le disent les gens de la passion et les gens qui se basent sur leurs propres idées. Donc la foi, selon Ahl Sunnah et Wal Jama'a, elle est composée de ces quatre choses. C'est défini par ces quatre points. Une parole avec la langue, une croyance dans le cœur, ou une conviction dans le cœur. Le troisième, une action faite par le corps. Et quatrièmement, elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. فَلَيْسَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ فَحَسْبُ كما تقوله الأشاعرة. Donc il dit la foi ce n'est pas seulement dans le cœur contrairement à ce que disent les أشاعرة. C'est pas juste dans le cœur. أو الذين يقولون إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب مع النطق باللسان كما يقوله الحنفية. Et il dit ce n'est pas une foi dans le cœur et une parole avec la langue seulement sans les actions comme le disent les Hanafiya. Ça c'est une erreur également. Ou huwa an-nutq bil lisan fahasb kama taquluhu al-karramiyya. Et il dit ce n'est pas également une parole avec la langue seulement comme le disent les Karramiyya. Les al-Karramiyya ils disent la foi c'est juste une parole avec la langue. Donc pour eux le munafiq il est mu'min. Il croit que le munafiq c'est un croyant. أو مجرد المعرفة بالقلب كما تقوله الجهمية. Ou bien ne dit pas que c'est juste une connaissance du cœur comme le disent les Jahmiyyah. Donc le cheikh il a commencé à énumérer les différents groupes de Murji'a. Parce que les Murji'a sont pas un seul groupe, sont plusieurs groupes. Il y a les Asha'ira, il y a les Hanafiya, on les appelle Murji'atul Fuqaha. Eux ils disent que la foi c'est les actions, la foi que c'est dans le cœur et la prononciation de la langue ou la parole de la langue. Ça c'est Al-Hanafiya. Ensuite il y a Al-Karramiya qui disent que la foi c'est juste qu'est-ce qui est prononcé avec la langue seulement. Et Al-Jahmiya qui sont les plus extrémistes et les plus égarés d'entre eux qui disent que la foi c'est juste une connaissance du cœur. Et donc pour eux Iblis il est croyant et Pharaon il est croyant et yani, en fait il n'y a personne qui est kuffar selon eux. Allah musta'an. Et comme Cheikh Mohamed Aman il disait, selon leur définition de la foi, ce sont les premiers kuffars puisque ce sont les plus ignorants à propos d'Allah. Et si la foi c'est la connaissance, donc eux ils sont les plus grands ignorants, donc sont les premiers à rentrer dans cette définition qu'ils ont mentionnée eux-mêmes. فيلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون فرعون مؤمنا لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يعني هو يعترف بهذا بقلبه ولكنه أنكره بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. Donc ils disent selon cette définition des Jahmiya, ils disent que Pharaon était croyant parce qu'il reconnaissait ce que Moussa a amené dans son cœur, sauf qu'il le niait avec sa langue. Et il mentionne le verset 102 dans Surat al-Isra, dans lequel il est dit, tu sais certes que ce ne sont pas que personne n'a fait descendre ces châtiments-là excepté le Seigneur des cieux et de la terre. Donc c'est comme si Moussa alayhi salam, il mentionne le fait que Pharaon sait très bien la réalité et que ces châtiments-là sont venus de la part d'Allah. Hein? Et il y a un autre verset également qui dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils ont renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses signes, alors que dans leur cœur, ils en étaient convaincus avec certitude. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Par arrogance et par fierté, ils ont renié la foi en Allah. Donc, selon les Jahmiyyah, ceux-là sont des croyants. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement. Hein? Donc, il dit وَكَذَلِكَ. Donc, attends, il reste encore beaucoup de choses à expliquer. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, on continuera ça demain, après le Fajr, bi'iznillah. De toute façon, on n'a pas le temps d'avancer. Si on commence à expliquer la suite, on risque de ne pas pouvoir s'arrêter avant, puis on a dépassé le temps, donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.